Bonjour cher Emmanuel et bonjour au médecin-chef des asiles de fous à qui cette lettre est adressée. Messieurs, les lois, la coutume vous concèdent le droit de mesurer l'esprit. Cette juridiction souveraine, redoutable, c'est avec votre entendement que vous l'exercez. Laissez-nous rire. La crédulité des peuples civilisés, des savants, des gouvernants, par la psychiatrie d'on ne sait quelle lumière surnaturelle. Le procès de votre profession est jugé d'avance. Les fous sont les victimes individuelles par excellence de la dictature sociale. Au nom de cette individualité qui est le propre de l'homme, nous réclamons qu'on libère ces forçats de la sensibilité, puisqu'aussi bien il n'est pas au pouvoir des lois d'enfermer tous les hommes qui pensent et agissent. Sans insister sur le caractère parfaitement génial des manifestations de certains fous, nous affirmons la légitimité absolue de leur conception de la réalité et de tous les actes qui en découlent. Puissiez-vous vous en souvenir demain matin, à l'heure de la visite, quand vous tenterez sans lexique de converser avec ces hommes sur lesquels, reconnaissez-le, vous n'avez davantage que celui de la force. Bonjour monsieur, c'est l'hôpital qui nous envoie. Vous devez vous tromper parce que je ne suis pas malade. Monsieur, on ne vient pas vous enfermer, on veut juste vous emmener pour vous soigner. Me soigner? Mais je vais très bien et je t'encule! D'asile d'aliénés pour des réceptacles de magie noire. Il n'y avait pas vu de médecin, il n'y aurait jamais vu de malade. Bonjour Evelyne Grossman. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeure de littérature française contemporaine à l'université Denis Diderot, Paris 7. Vous avez beaucoup écrit sur Antonin Artaud. Le dernier livre en date s'appelle « Éloge de l'hypersensible ». Sur Antonin Artaud, évidemment, aux éditions de Minuit. Et c'est avec vous que nous allons explorer la folie de ce génie. On vient de l'entendre, hein, juste avant que je vous donne la parole. S'il n'y avait pas de médecin, il n'y aurait pas eu de malade. Ça, elle le pense sincèrement. Ce sont les médecins qui ont inventé les malades. C'est un texte de l'époque surréaliste d'Artaud. Donc c'est un texte volontairement virulent, excessif, qui d'ailleurs n'est pas d'Artaud. Celui que j'ai lu au début d'émission, oui. Oui. Oui, c'est vrai. Après, vous avez enchaîné directement sur un texte d'Artaud. Mais disons que dans le contexte, c'est cette opinion un peu romantique de l'artiste fou et génial. Qu'Artaud a toujours défendu, mais c'était son droit, mais qu'on peut regarder avec un peu plus de nuance quand même. Même si lui, en effet, est une figure d'artiste fou et génial. Mais c'est pas le cas de tout le monde, naturellement. En tout cas, ce texte, le premier hein, qu'on a entendu, la lettre au médecin-chef, voilà, rédigée par Robert Desnos et Théodore Frankel. Voilà, Desnos qui était un grand ami d'Artaud. C'est d'ailleurs grâce à Desnos qu'Artaud a échappé à l'asile de Villévrard où il souffrait d'une faim abominable pour passer en zone libre pendant la guerre. En tout cas, ce texte et les textes que vous avez fait entendre après, finalement, prennent la défense des fous dans une version un peu paranoïaque, qui était celle d'Artaud. Paranoïaque ? Oui, les fous sont persécutés par les médecins. Voilà. Ils sont enfermés, on les empêche de penser, on vole leurs idées. Ça fait la force de la poésie d'Artaud. Naturellement, il faut aussi nuancer cela. Lui ne supporterait pas d'entendre ça, n'est-ce pas? Parce que la maladie, elle est réelle chez lui. En tout cas, elle est vécue depuis son plus jeune âge. Bien entendu, elle est réelle. Elle est vécue depuis son plus jeune âge. Il y a une souffrance terrible qu'Artaud a traversée. Ça, c'est vrai. Il a été interné à de nombreuses reprises, enfermé, dit-il. Non, ça a commencé de façon beaucoup plus douce et acceptée, mais ça a commencé dès sa jeunesse, quand il avait 18 ans, puisque sa famille l'a fait suivre assez rapidement par toutes sortes de médecins dans des cliniques en Suisse et ailleurs, où on a essayé de le soigner sans savoir très bien de quoi il souffrait, puisque dès le début, il se plaignait de souffrances erratiques, disait-il. De dépression, il a traversé des états dépressifs très lourds. Et dès le début, les médecins ont cherché à comprendre quel diagnostic on pouvait porter sur ces drôles de souffrances. L'un des premiers diagnostics qui ait été porté, c'était celui d'une syphilis héréditaire. Et on l'a soigné avec des moyens extrêmement violents, qui étaient ceux de l'époque, c'est-à-dire des piqûres de médicaments qui contenaient du mercure, de l'arsenic, qui probablement l'ont rendu plus malade qu'autre chose. D'autant plus que ce diagnostic de syphilis héréditaire était un diagnostic de l'époque, mais probablement pas exact. Et puis aussi, c'est là qu'il a commencé à prendre du laudanum, donc un médicament dérivé d'opium. Et il a toujours dit après que c'était dès cette époque qu'il avait commencé à avoir cette addiction à toutes sortes de drogues qu'il avait prises pour soulager ses douleurs. Donc à l'époque, il n'était pas enfermé. Il était voilà, dans des maisons de repos, comme on disait à l'époque, pour patients assez fortunés quand même. Il peignait, il dessinait, il écrivait, il rencontrait des femmes. Voilà, il avait une vie assez, je ne vais pas dire une vie agréable, mais en tout cas pas du tout une vie d'interné. Il n'était pas question de ça à l'époque. Donc ça, c'était dans les années, quand il avait 18 ans. Après... Dans les années 20, à peu près. Alors justement, après, dans les années 20, il a rencontré le docteur Toulouse, qui est le premier vrai psychiatre qui s'occupe d'Antonin. Qui était à l'asile de Villejuif. Voilà, à l'asile du Villejuif. Et ça a sans doute été une chance pour Antonin Artaud de rencontrer le docteur Toulouse, parce que le docteur Toulouse était non seulement un psychiatre, mais un homme de culture. Il lui a fait rencontrer finalement un certain nombre d'intellectuels, d'artistes à l'époque, à Paris. Et surtout, il a fait de lui le co-directeur de sa revue. La revue Demain était une revue de psychiatrie, mais en même temps une revue de culture, d'exposition, de peinture. Et avec Madame Toulouse, la femme du docteur Toulouse, Artaud a commencé à arpenter les expositions parisiennes, en même temps qu'il commençait à rencontrer tous ceux qui comptaient dans le monde du théâtre, puisqu'il voulait devenir aussi acteur, comédien. Donc il a co-dirigé une revue de psychiatrie. La revue Demain. C'était pas une revue de psychiatrie exactement, c'était une revue d'hygiène mentale, vous voyez, un peu large, au retentissement sans doute assez confidentiel, mais qui quand même lui a donné une espèce d'entrée déjà dans le monde de la culture. Et il a écrit des comptes rendus d'exposition pour cette revue. Parce que l'image que l'on garde de lui, le souvenir bien réel que nous avons d'Antonin Artaud est plutôt une attitude anti-psychiatrique qui s'en prend violemment aux médecins. On l'a entendu dès le début de l'émission, hein. S'il n'y avait pas de médecin, il n'y aurait pas de malade, comme si c'était le fait d'avoir inventé un médecin qui avait créé la maladie. Ouais. Et toute sa vie, ce qu'il va écrire, parce qu'il va continuer à écrire toute sa vie, ça on y viendra, il y a un lien très très fort entre la maladie et la création pour lui. Eh bien, se fait aussi contre une certaine institution, contre ce qu'il appelle l'enfermement et contre... la normativité imposée par l'ordre médical. Oui, sans doute, mais voilà, le rapport d'Artaud, la psychiatrie est complexe. Il faudrait si on raconte ce qui s'est passé après le docteur Toulouse. Oui, allez-y. Donc, après, il est entré dans une espèce de vie artistique, culturelle, de poète et de comédien. Donc, en vivant de façon un peu, que tout le monde a toujours considéré un peu étrange, mais il était quand même, considéré comme un mauvais comédien, mais quand même qui jouait de façon étrange, mais très inspiré. Il était un poète. Alors, il faudrait dire un mot tout de suite de ce qui s'est passé avec la NRF, qui a été sa seconde grande entrée dans le monde de la culture. Puisqu'en 1923, en tant que jeune poète marseillais monté à Paris, donc, il envoie à Jacques Rivière, qui était à l'époque le directeur de la NRF, quelques poèmes en lui disant « voilà, j'aimerais bien que ce soit publié ». La maison d'édition, voilà, il veut faire publier ses poèmes, il les envoie à Jacques Rivière. Ouais. On a la correspondance disponible aujourd'hui, la qui est fabuleuse, bouleversante. Extraordinaire, oui. La correspondance avec Jacques Rivière, c'est vraiment l'entrée en scène d'Artaud. Et puis, ce sont des lettres extraordinaires où il raconte justement sa souffrance. Je souffre d'une effroyable maladie de l'esprit. Ma pensée m'abandonne à tous les degrés. depuis le fait simple de la pensée jusqu'au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. Mots, forme de phrase, direction intérieure de la pensée, réaction simple de l'esprit, je suis à la poursuite constante de mon être intellectuel. Lors donc que je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe, dans la crainte de perdre toute la pensée. Je suis au-dessous de moi-même. Je le sais, j'en souffre, mais j'y consens dans la peur de ne pas mourir tout à fait. Tout ceci qui est très mal dit risque d'introduire une redoutable équivoque dans votre jugement sur moi. C'est pourquoi, par égard pour le sentiment central qui me dicte mes poèmes et pour les images ou tournures fortes que j'ai pu trouver, je propose malgré tout ces poèmes à l'existence. Ces tournures, ces expressions malvenues que vous me reprochez, je les ai senties et acceptées. Rappelez-vous, je ne les ai pas contestées. Elles proviennent de l'incertitude profonde de ma pensée. Bienheureux quand cette incertitude n'est pas remplacée par l'inexistence absolue dont je souffre quelquefois. Ici encore, je crains l'équivoque. Je voudrais que vous compreniez bien qu'il ne s'agit pas de ce plus ou moins d'existence qui est ressorti à ce que l'on est convenu d'appeler l'inspiration, mais d'une absence totale, d'une véritable déperdition. Voilà encore pourquoi je vous ai dit que je n'avais rien, nulle œuvre en suspens, les quelque chose que je vous ai présenté constituant les lambeaux que j'ai pu regagner sur le néant complet. Antonin Artaud sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, ici lu par Jean-Luc Moreau. Cette correspondance entre Antonin Artaud et Jean-Luc Rivière, alors je disais qu'elle était bouleversante, il faut resituer. Le 1er mai 1923, Jacques Rivière envoie une lettre à Artaud en réponse à l'envoi des poèmes qu'il lui a fait, disant « Monsieur, je regrette de ne pouvoir publier vos poèmes dans la Nouvelle Revue Française, mais j'ai pris assez d'intérêt pour désirer faire la connaissance de leur auteur. » Et ainsi s'engage une correspondance, là on vient d'entendre la première lettre qu'Antonin Artaud envoie à Jacques Rivière, et si on la lit de près, restons-y un instant, Evelyne Grossman, puisque vous l'aviez appelé de vos voeux à l'instant, la lucidité avec laquelle il établit son propre diagnostic, la précision des termes qu'il emploie pour décrire le mal dont il souffre, sont en elles-mêmes une œuvre de création. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce texte-là pourrait être lu quasiment, non pas comme un poème, mais comme de la littérature. C'est de la littérature, c'est d'ailleurs ce qu'a jugé Jacques Rivière, puisqu'il a décidé de publier ses lettres plutôt que les poèmes. Et c'est en effet ce qu'il dit, Antonin Artaud. Il me dit, il y a quelque chose d'étrange dans ce que vous me dites, parce que vous parvenez à faire un diagnostic d'une telle précision, d'une telle acuité sur votre état, qu'on ne peut pas s'empêcher de trouver ça à la fois étrange et extraordinaire, puisqu'on a là... On ne parle pas encore de folie à l'époque, pour Artaud, mais en tout cas un état dont il dit lui-même... qui le met en dessous de la vie et qui, au même moment, lui fait écrire des choses absolument fulgurantes, absolument transperçantes pour quelqu'un comme Rivière. Vous voyez, c'est cette fameuse phrase « Je souffre d'une effroyable maladie de l'esprit, ma pensée m'abandonne à tous les degrés », cette façon qu'il a d'expliquer que tout s'effondre en lui et qu'il essaie quand même, comme il dit, de regagner quelques miettes sur le néant. Voilà. Et cette espèce d'auto-diagnostic que fait Artaud à l'époque, c'est une façon aussi de demander qu'on l'aide. C'est un appel à l'aide. Et cet appel à l'aide, il l'adresse à toutes sortes de personnes à l'époque, à beaucoup de femmes en particulier. « Redonnez-moi le corps qui me manque », dit-il à Jenica Athanasiou, qui est sa fiancée. De l'époque, remettez-moi au monde parce que je ne suis pas vivant. Ça revient souvent, il le disait, bienheureux quand cette incertitude n'est pas remplacée par l'inexistence absolue dont je souffre quelquefois. Voilà. Il souffre de sentir le néant en lui-même. Voilà. Et ça, il le redira jusqu'à la fin de sa vie, mais ce qu'il dit dans ses premiers textes, c'est une impression très violente qu'il appelle une décorporisation de la réalité. L'impression de ne pas avoir de corps, de ne pas être réellement en vie. Et citant Arthur Rimbaud, il dit je peux dire moi vraiment que je n'ai pas de vie. Voilà. Et c'est un mal profond qui a parfois été diagnostiqué quand il avait 18-20 ans comme une neurasthénie, comme on disait à l'époque, très très profonde, ce qui fait qu'il a été réformé. Service militaire, et que fort heureusement, il a pu échapper presque complètement à la guerre de 14. Mais il y a là un mal de vivre terrible, et qu'il décrit avec une force extraordinaire. Et c'est là, en effet, ce paradoxe qui fait déjà, dès le départ, le caractère unique d'Antonin Artaud. Et c'est pourquoi on est bien au-delà du cliché que vous évoquiez, qui semblait être véhiculé par le texte que j'ai lu en ouverture, hein, écrit par les surréalistes contre les médecins des asiles. On est bien au-delà du cliché de l'écrivain fou qui sublime l'écriture en disant « laissez-moi en liberté car finalement mon génie est à ce prix ». Chez Artaud, ça ne prend pas cette forme-là. Enfin, on n'est pas dans le cliché, on est au contraire dans l'expérience vécue de la manière la plus douloureuse possible. Absolument, oui, oui. Et au début, il ne s'agit pas du tout d'enfermement ni de folie. Il y a une douleur qui est également une douleur physique. Dans tous les textes de cette époque, il raconte qu'il a peur de la paralysie générale. Il ne sent plus les extrémités de ses mains. Il y a une douleur physique et psychique, les deux. Et le corps est chez lui à la fois un obstacle. Il revient beaucoup dans les poèmes. Hein. Ce sont des poèmes qui sont dans une forme d'incarnation souvent qui met mal à l'aise, qui est parfois sale, qui parfois ne fait pas sens, comme si chez lui il y avait à la fois une dissolution absolue entre le corps et l'esprit, qui n'avait plus de lien, vous le dites, il fait l'expérience de la négation de son corps, de la disparition de son corps, et en même temps qu'il était obsédé par ce corps-là. Ça, c'est un des thèmes, en effet, fondamentaux dans l'écriture d'Antonin Artaud, qui est de se remettre au monde, se refaire un corps qui sera un corps d'écriture. C'est à ça que sert l'écriture ? Entre autres, pour lui, oui. C'est à ça que servira. Mais si ce n'est pas une espèce d'utilisation de l'écriture. Mais en tout cas, c'est cela qu'il cherchera au théâtre. Ça, c'est le grand thème qui revient constamment dans ses textes de théâtre, ses textes théoriques. Dans le théâtre, ils sont doubles. S'incarner différemment que être représenté sur la scène. Et quel corps veut-on voir sur la scène de théâtre, comme sur la page du livre, comme plus tard dans les dessins? Cette question de refaire un autre corps, c'est fondamental chez Antonin Artaud. Là, c'est le fil qui nous permet de suivre ce qu'il dit en 1923 à Jacques Rivière et ce qu'il va dire jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Comment refaire un corps qui ne soit pas justement corps condamné à la mort, condamné à la tombe et au pourrissement, qui ne soit pas le corps sexué, ça c'est un thème qui viendra plus tard chez lui, plus tard, justement dans la phase de rejet du sexe et de la sexualité. C'est pas toujours le cas, il y a les deux chez Artaud, hein. Il y a pas qu'une espèce de corps pur qu'il voudrait fabriquer. Il y a aussi, comme vous le disiez, un corps absolument sexué, mais dans un autre sens. En tout cas, cette idée de refaire un corps qui échappe à la naissance et par conséquent à la tombe, ce sera l'un des grands thèmes d'Artaud. Oui. Et dans quelle mesure est-ce que l'expérience hospitalière et médicale qu'il a dû subir, puisqu'elle le décrit en ces termes, a été pour lui une contrainte? Dans quelle mesure est-ce que ça ne l'a pas aussi nourri dans son inspiration et ça lui a permis de formuler des choses? C'est-à-dire pour lui, quand on le lit, quand on entend la correspondance avec Jacques Rivière, ce qu'on a diffusé il y a un instant, on se dit que pourquoi aurait-il besoin d'être soigné? Il est aussi tellement lucide sur sa propre maladie et il sait quoi faire de son mal, quelque part, que s'il lui-même n'exprime pas la demande d'être soigné, pourquoi faudrait-il qu'il le soit? Parce qu'il y a une évolution tout de même dans la vie d'Artaud. Ça, c'est dans les années 20-25, quand il fait partie aussi après du mouvement surréaliste. Ensuite, dans les années 30, Artaud est un acteur de cinéma, muet, un acteur de théâtre. Il écrit énormément de textes théoriques sur le théâtre, où justement la question du corps est centrale. Le théâtre de la cruauté chez Antonin Artaud, c'est pas l'idée de cruauté sanguinaire, mais c'est l'idée vraiment de réfection d'un corps humain partagé avec le public. Enfin, il y a toute une théorie chez Artaud qu'on pourrait naturellement expliquer longuement. Mais en tout cas, il y a là une logique qui n'est pas encore celle qui viendra après son enfermement. Jusque-là, il se maintient socialement, et sans doute aussi beaucoup grâce au théâtre. Bon, j'avais fait l'hypothèse à un moment que cette espèce d'hystérisation théâtrale chez Anton Artaud lui permet de trouver une sorte d'équilibre dans l'excès, dans la théâtralisation, dans une certaine hystérisation. Bien. Tout ça jusqu'à l'échec du théâtre. La pièce qu'il a écrite, Les Cenci, et mise en scène, ne remporte aucun succès. Il est profondément affecté par cela. Et là, il y a un début d'effondrement chez Anton Artaud. Voilà, ce qui pouvait être une espèce de cure théâtrale chez lui ne fonctionne pas. Le public n'est pas là. Il n'y a pas de réception. Il est tout seul. Bien. Il va partir au Mexique. En quelle année à peu près? Et après l'échec des Cenci en 35, donc 36. Donc juste avant qu'il soit interné, en effet. Oui. Il part au Mexique. Il restera un an au Mexique, pour, dit-il, retrouver justement la force de la Terre Rouge, des anciens mythes mexicains, des Indiens, enfin toute une mythologie qui travaille beaucoup Artaud, retrouver les forces telluriques, là aussi, pour retrouver des forces corporelles. Le voyage au Mexique est visiblement très perturbant pour lui. Quand il retourne à Paris au bout d'un an, ses amis le trouvent très changé, très... non pas encore délirant, mais quand même pris d'une certaine frénésie prophétique, lançant des anathèmes, avec une certaine violence dans Paris. Voilà. Le voyage au Mexique a commencé à déséquilibrer quelque chose dans ce fragile équilibre auquel il était parvenu. Puis, si on passe, le voyage en Irlande. Le voyage en Irlande, c'est vraiment le moment où Artaud décompense, 36-37. On ne sait pas trop ce qui s'est passé en Irlande. Il était seul, il était donc dans un début de délire, dans une volonté de rendre sa canne à Saint-Patrick. Là aussi, retrouver les mythes des druides, des religions antiques, retrouver des forces. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans le voyage de retour. Enfin, il est emprisonné et puis il y a un incident qui se passe, expulsé d'Irlande. Un incident se passe sur le navire, toujours est-il qu'il est interné d'office. Lorsqu'il il arrive au Havre, de retour d'Irlande, et là commence la vie d'internement d'Artaud. C'est-à-dire interné d'office sous le diagnostic très vague, mais qu'il est complètement perdu. Il ne sait plus qui il est. Il a perdu toute identité. Il demande qu'on l'identifie. C'est un leitmotiv qui revient. Il dit qu'il est grec, il a oublié son nom, il a oublié qui il était. Vraiment une décompensation psychotique au sens psychiatrique. Sa mère le retrouve à l'asile de Sotteville-lès-Rouen, où il était quasiment au secret. Et puis il sera interné un an à Sainte-Anne. On ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé. Alors déjà, il passe, oui c'est ça. Ouais. C'est de 1938 à 1947, il est interné, il y a 9 ans d'internement. 9 ans d'internement en tout, oui. Au cours desquels il fait la rencontre, malheureuse pour lui, donc de cette organisation psychiatrique. Il rencontre les médecins. Il décrit très bien la façon qu'ont ces médecins psychiatres d'avoir, selon lui, une emprise sur ce qu'il appelle les aliénés. Il fait partie de ces aliénés. Je vous propose qu'on l'écoute décrire ce rapport au psychiatre et cette espèce de magie noire dont ils font preuve. Et juste après, vous entendrez un texte d'Artaud sur Van Gogh, Van Gogh, le suicidé de la société, un texte dans lequel il tient également le psychiatre responsable du suicide de Van Gogh et de sa propre envie de se suicider. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscient et préméditée. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide. C'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins, et non par les malades, que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Il y eut entre le docteur Gachet et Théo, le frère de Van Gogh, combien de ces conciliabules puants des familles avec les médecins-chefs des asiles d'aliénés au sujet du malade qu'ils leur ont amené. Ce sont là de ces douces conversations de psychiatres bonhommes qui n'ont l'air de rien, mais laissent sur le cœur comme la trace d'une petite langue noire, la petite langue noire anodine d'une salamandre empoisonnée. Et il n'en faut pas plus quelquefois pour amener un génie à se suicider. Surveillez-le, qu'il n'ait plus toutes ses idées. Tu entends, le docteur l'a dit, il faut perdre toutes ses idées, ça te fait du mal. Si tu continues à y penser, tu resteras interné à vie. Mais non, monsieur Van Gogh, revenez à vous-même, voyons, c'est le hasard. Et puis, il ne fut jamais bon de vouloir regarder ainsi dans les secrets de la Providence. Je connais monsieur un tel, c'est un très brave homme. C'est votre esprit de persécution qui vous reprend de croire qu'il fait ainsi de la magie en secret. Il arrive des jours où le cœur sent si terriblement l'impasse qu'il en prend comme un coup de bambou sur la tête, cette idée qu'il ne pourra plus passer. Car c'est pourtant bien après une conversation avec le docteur Gachet que Van Gogh, comme si de rien n'était, est rentré dans sa chambre et s'est suicidé. J'ai passé 9 ans moi-même dans un asile d'aliénés et je n'ai jamais eu l'obsession du suicide. Mais je sais que chaque conversation avec un psychiatre, le matin, à l'heure de la visite, me donnait l'envie de me pendre, sentant que je ne pourrais pas l'égorger. Chaque visite du psychiatre me donnait envie de me pendre, sachant que je ne pourrais pas l'égorger. Le constat d'Antonin Artaud est sans appel. Il fait référence à ses 9 ans d'internement. Au moment où il écrit ce texte, Van Gogh, le suicidé de la société, on est en 1947. Il n'est plus dans l'internement qu'il décrit, il est à Rodez, donc il fait référence à une expérience qui est passée, mais qui persiste. Alors, il faut quand même préciser tout de suite, Evin Grossman, que si il semble s'en prendre de manière définitive et implacable au psychiatre, il a quand même eu des rencontres qui ont été plus ou moins heureuses et qui lui ont permis de continuer à écrire, y compris quand il était hospitalisé. Des rencontres avec des psychiatres, j'entends. Oui, en effet. Ça, je crois qu'il faut... Il faut toujours le dire pour rééquilibrer tout de même un peu ce que dit Artaud, ce qu'il dit de façon flamboyante et extraordinaire, mais qui n'est peut-être pas toujours conforme exactement à ce qui a été une certaine réalité de la prise en charge de sa maladie par les psychiatres. Parce qu'il faut quand même se souvenir que après avoir passé un an à Sainte-Anne, où on ne l'a visiblement pas soigné, il a passé ensuite 4 ans à Ville-Évrard, l'hôpital de Ville-Évrard près de Paris, où il était dans le pavillon des incurables. Il n'a reçu aucun traitement. Et s'il était resté là, il serait devenu, vous voyez, dans cette espèce de chronicisation de la maladie que les psychiatres ou les infirmiers psychiatriques connaissent bien. C'est-à-dire qu'il aurait été sans doute perdu pour la littérature. La chance qu'a eu Artaud, c'est qu'en effet, grâce à sa mère et à Desnos, il a pu être transféré à l'asile psychiatrique de Rodez, là où officiait le docteur Ferdière, qui n'était pas n'importe quel psychiatre tout de même. Le docteur Ferdière, dont on a dit pique-pendre, mais ça, il y a aussi, vous savez, on sait bien, des discours d'époque, l'antipsychiatrie, dans les années 60-70, a beaucoup critiqué le docteur Ferdière, dont on a fait une espèce de tortionnaire. Ferdière était quand même un homme jeune, 34 ans, quand il rencontre Artaud, quelqu'un qui lui-même aurait voulu être un écrivain, qui est fasciné par Antonin Artaud. Il sait très bien qui est Antonin Artaud. Il le reçoit donc à l'asile psychiatrique de Rodez, en zone libre. Et d'ailleurs, il va permettre maintenant qu'Artaud soit mieux nourri, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la guerre, les aliénés sont morts de faim dans un nombre considérable. Donc il a été sauvé de la faim, d'une certaine façon. Donc, à Rodez, il le dit lui-même, je reprends vie, je reprends goût aux choses. Ferdière est à l'époque donc un ami de beaucoup de surréalistes, et Desnos donc qu'il connaît, qui fait venir... Donc avec qui il reste ami alors? Oui, jusqu'à même la une fin. Fois qu'il ne fait plus partie du cercle des surréalistes. Voilà, jusqu'à la mort de Desnos en camp de concentration, comme on sait. Mais donc, Artaud est prise en charge par le docteur Ferdière, qui va peu à peu lui appliquer les traitements qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire, en effet, pas grand-chose. La sismothérapie, les électrochocs, et on a beaucoup critiqué, à juste titre, d'un certain point de vue, Ferdière, de lui avoir appliqué ces électrochocs sans anesthésie à l'époque. Et il a eu fracture de la vertèbre, des vertèbres. Bien sûr que c'était un traitement épouvantablement violent dont Artaud s'est plaint et on comprend, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, Ferdière, donc en plus de cette sismothérapie, Ferdière était un des initiateurs en France de l'art-thérapie et il a fait travailler Artaud à des traductions de Lewis Carroll, de poètes. Donc Artaud, petit à petit, s'est restructuré. Il a traduit des textes et ça a donné des choses tout à fait étonnantes sur Lewis Carroll, des textes poétiques d'Artaud. Il est revenu à la littérature. Il n'avait pas cessé d'écrire, Artaud. Il n'a sans doute jamais cessé d'écrire. Même si on n'a rien retrouvé dans un certain nombre d'asiles où il est passé, simplement parce qu'on ne conservait pas les écrits des aliénés à l'époque. Mais il a écrit énormément de lettres, dont on a bon nombre d'ailleurs, qui sont des lettres avant Rhodes, des lettres folles, des sorts, voilà. Il parle d'envoûtement, il dit qu'il est ensorcelé, envoûté, il dit que Van Gogh lui-même avait été envoûté. Oui. Et il fait toute une liste d'ailleurs, il dit c'est ainsi qu'il y a eu des envoûtements unanimes à propos de, cite-t-il, Baudelaire, Edgar Poe, Gérard de Nerval, Nietzsche, Kierkegaard, Hölderlin, Coleridge, et même à propos de Van Gogh. Oui, ça c'est le discours que tient Artaud à partir des années 45, quand justement il revient à la littérature, aussi largement tout de même grâce à ce traitement qu'il reçoit, aussi imparfait fut-il. Il recommence à écrire, il traverse toute une crise de mysticisme, assez peu intéressant d'un point de vue littéraire. Oui, mais là, il fait un lien direct quand même entre la folie et l'écriture, la folie et le génie, pourrait-on dire. Comme s'il fallait être malade envoûté pour pouvoir être génial. Oui, après, c'est le discours qu'il tiendra, en effet, quand il va se mettre au nombre de cette cohorte de génies fous dont font partie, selon lui, en effet, Gérard de Nerval, qui est mort suicidé, aussi Baudelaire d'une certaine façon, Nietzsche. Fou. Enfin voilà, il a toute une série de frères en souffrance qui ont, selon lui, été, comme il le dit de Van Gogh, suicidés de la société. Ça, c'est très important, suicidés de la société, parce que c'est une manière de tenir la société responsable. Non seulement de la folie, mais aussi du suicide. Hein. Il le dit, l'aliéné authentique, c'est celui qui a préféré devenir fou, dans le sens où socialement on l'entend, plutôt que de forfaire à une idée supérieure de l'honneur humain. C'est ainsi que la société a fait étrangler dans ses asiles tous ceux dont elle a voulu se débarrasser ou se défendre, comme ayant refusé de se rendre avec elle complice de certaines hautes saletés. Car un aliéné est aussi un homme que la société n'a pas voulu entendre et qu'elle a voulu empêcher d'émettre d'insupportables vérités. Ça pourrait être du Nietzsche écrit différemment. Hein. Oui. La vérité que la société ne veut pas entendre. Oui. Et c'est cela qui est toujours extrêmement surprenant dans les textes d'Artaud de cette époque, à partir de 45-46. D'une part, ils sont authentiquement des textes paranoïaques, persécutoires. Il est persécuté par la psychiatrie, par le docteur Ferdière. Il est persécuté par toutes sortes de démons qui viennent la nuit sucer son sperme, ses sucres. Enfin, bon, un tableau paranoïaque. J'allais dire habituel, mais transfiguré par l'écriture d'Artaud. Vous voyez, dans cette phrase que vous avez citée, il dit des choses absolument extraordinaires, hein, quelqu'un qui n'a pas voulu forfaire à l'honneur humain. Bon, voilà ce que c'est qu'un aliéné authentique, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être un véritable aliéné. Et ça, c'est une phrase magnifique. Bon, qu'on a envie de répéter. Et à côté de ça, il dit la société a fait étrangler dans ses asiles. Bon, des choses absolument surdimensionnées, surhumaines. Et il y a toujours ça chez Artaud, des formules éblouissantes. Et puis des discours authentiquement de persécution paranoïaque. Extrême. Oui. Oui. C'est un terme qui s'applique à son tempérament, la paranoïa. Oui. Oui, oui, on ne sait pas qu'on va y faire un diagnostic, puisque quand on discute avec des psychiatres, il n'y a pas de diagnostic qu'on puisse faire de cette folie surhumaine d'Artaud. Bon, on peut essayer de cataloguer d'autres choses, mais ça ne rendra jamais compte de l'écriture géniale d'Artaud. Non, mais il y a certains artistes qui revendiquent cette paranoïa, écoutez. méthode paranoïa critique, deux points. Méthode spontanée de connaissance irrationnelle, grâce à laquelle on dirige et on rend tangible tous les phénomènes délirants. Et alors quand je dis tangible, ça veut dire que ces phénomènes délirants sont rendus cartésiens. C'est pour ça qu'il y a un mot paranoïaque, c'est le maximum du délire, et critique, qui veut dire le maximum de raisonnement. Tout ça, ça voudrait dire, d'une façon courte, que Dali est un fou de bonne qualité et de précision. Un fou de précision. La méthode paranoïaque critique telle qu'elle est décrite par Salvatore Dali, qui se revendique fou dans cet extrait, et qu'il met fou de bonne qualité, précise-t-il. On est ici, à la fois c'est un portrait qui peut évoquer celui d'Artaud, et en même temps qui s'y oppose, parce que Dali, vous voyez, on peut diffuser un extrait en rire, il nous amuse, il est du côté de la mise en scène de sa folie, l'était-il vraiment peut-être, souffrait-il sans doute, mais c'est comme si c'était le revers comique, quand même joyeux, on va dire, même s'il est aussi mélancolique, du mal dont souffre Artaud, et qui lui aussi crée à partir de la folie, mais qui crée avec quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus noir, non, Evelyne Grossman? Oui, je pense que Artaud n'a pas grand-chose à voir avec le côté un peu histrionesque de Salvador Dali. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une véritable traversée de la souffrance. Il y a une tentative de se servir d'une pseudo-méthode paranoïa critique chez Dali. Je crois que Artaud, et c'est pour ça qu'il a fasciné les surréalistes et jusqu'à la fin qu'il a fasciné toutes sortes de lecteurs, c'est qu'il y a une authenticité de cette traversée de la folie. Il y a moins de mise en scène, c'est ça que vous dites. En fait, il ne se donne pas en spectacle alors qu'il adorait le théâtre. Oui, mais il n'y a aucune mise en scène. Il peut y avoir parfois un dépassement un peu sur le mode de l'hystérie, et heureusement. Mais chez Antonin Artaud, il n'y a pas ce côté histrionesque un peu... On se dit que Dali ne rend pas service à la paranoïa. C'est ce que certainement aurait dit Artaud. Les aliénés authentiques, ils n'ont pas envie de jouer les fous. Vous voyez, ils sont vraiment fous. Et il y a là une force qu'ils utilisent pour accuser. Accuser la société, accuser les psychiatres, accuser toutes sortes de gens. C'est ça en même temps qui est le ressort de l'inspiration et de l'écriture d'Artaud. C'est la colère, la haine. Ça n'a rien à voir avec chose un peu clownesque qu'on a chez Dali. Quand Artaud dit l'aliéné authentique, il défend cette forme de folie qui n'est pas donnée à tout le monde. Il faut mériter d'être un aliéné authentique. Il faut avoir traversé tout ce que lui-même a traversé, c'est-à-dire le néant, la mort, les résurrections, il faut s'être battu contre Dieu, enfin voilà, c'est ça l'aliéné authentique, c'est à ce prix qu'on est capable d'écrire comme le fait Artaud à la fin. Voilà, c'est ça, il lit pas simplement ça pour se protéger ou pour essayer de trouver des vertus à ce qu'il a vécu, mais parce qu'il pense que c'est le prix à payer pour écrire de manière aussi géniale, pour pouvoir créer, c'est ça. On en revient à cette idée qu'il faut être fou pour créer. Il faut être fou pour créer, peut-être pour lui. Ah oui, pour lui, non, pour c'est sa pas folie une à lui. Générale. Mais oui, voilà, parce que sa folie à lui est absolument incommensurable avec la folie ordinaire. Il n'y a qu'une folie d'Antonin Artaud, encore une fois, qui a été modifiée tout au long de sa vie. Il y a eu toutes sortes d'étapes et ça a donné l'écriture de Van Gogh, qui est quand même un des livres les plus extraordinaires qu'on puisse écrire sur Van Gogh. Qui commence par « Non, Van Gogh n'était pas fou !» et qui après dit « Mais c'était comme moi un aliéné authentique !» Les deux. Et Artaud a toujours dit les deux choses. « Je suis fou, mais je ne suis pas fou !» Donc il y a là un paradoxe difficile à comprendre, à assimiler dans le cadre d'une lecture distanciée d'Artaud. Il faut entrer un peu dans la folie d'Artaud pour voir, comprendre, ressentir ce qui se joue là. Parce que on ne peut pas lire à distance l'écriture de quelqu'un qui vous dit « je suis fou, mais je ne le suis pas ». Vous voyez, il faut suivre ce mouvement qui déstabilise naturellement la lecture. C'est pour ça qu'Artaud est à la fois extraordinaire à lire. C'est une expérience de lire Artaud. Et aussi, c'est douloureux parfois. Et comme vous le disiez, il y a des textes d'Artaud qui sont vraiment des textes quasi asilaires. L'Ombilique des Limbes est une expérience de lecture qui est parfois douloureuse. Oui. C'est le recueil de poèmes qu'il voulait faire. Oui, non, mais même si L'Ombilique des Limbes fait partie de l'avant-asile. L'Ombilique des Limbes, c'est plutôt le premier Artaud, proche des surréalistes. Mais il y a, par exemple, dans Artaud le Momo, dans les derniers textes d'Artaud, des textes. Il y a un texte, Artaud le Momo a été refusé par Gallimard. Bon, c'est vraiment des textes quasi orduriers, avec cette obsession du sexe, du scatologique, vraiment ce qu'on réfère en général aux écrits asilaires. Il y a ça aussi chez Antonin Artaud. Et il faut qu'il passe par ça pour qu'à la fin, quelque chose surgisse de l'écriture. Il faut passer par cette scatologie, par cette folie asilaire, pour prendre une espèce de saut pour écrire. Donc c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec Salvador Dali. Cette proximité de la lucidité sage et de la folie hystérique et paranoïaque engendre une expérience troublante pour le lecteur, mais également pour l'auditeur. Écoutons une nouvelle fois la voix d'Artaud qui parle de la santé et de la maladie, et puis la lettre qu'il va adresser à son psychiatre. Vous parlez du docteur Ferdière. Il va lui écrire une lettre qui, elle aussi, a un ton inoubliable, parce que lire Artaud, ça, selon ce qu'on lit, engendre des expériences différentes. Et selon que ce soit des poèmes, la correspondance avec Jacques Rivière, le théâtre ou la correspondance, une autre correspondance notamment avec le docteur Ferdière, ce n'est pas du tout le même ton ni les mêmes objets qui sont cernés. Écoutez donc la voix d'Artaud et puis la lettre au docteur Ferdière du 12 juillet 1943. J'ai été malade toute ma vie et je ne demande qu'à continuer. Car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé suffit. Car mon être est beau, mais affreux. Et il n'est beau que parce qu'il est affreux. Guérir une maladie est un crime. Antonin Artaud a souffert 2 ans d'envoûtement et d'empoisonnement sans nombre, et à la longue, son âme a cédé et il est mort. Cette âme a quitté la terre, et il a fallu qu'une autre âme vienne prendre sa place dans un même corps que le sien. Je suis son continuateur, et peu importe comment je m'appelle, l'essentiel est que si mon âme à moi n'est que depuis 3 ans sur terre, j'ai dans le corps la mémoire physiologique absolue et exacte, intégralement et inaliénablement exacte, de 6 ans de supplice, d'incompréhension, de reniement, d'envoûtement et d'internement, et que je sens l'heure fatidique toute proche où la défaite du mal, de toute éternité inscrite dans le ciel, va s'étaler crûment dans la chair pantelante des choses, parce que tous les hommes vont se souvenir. Se souvenir où et comment ils ont été trompés et égarés par le malin, jusqu'à croire que l'amour qui a été créé, ou plutôt manifesté pour éterniser les êtres, et qui vient de la rencontre immaculée des cœurs, avait besoin en plus de la rencontre infectante des sexes, comme si le mélange supranaturel des âmes exigeait, pour s'accomplir en perfection sur terre, la consécration excrémentielle de l'orgasme invité par Satan. Il me paraît impossible, après cela, et en revoyant les événements dont je vous parle et où vous avez joué votre destinée, qu'un honnête cœur comme le vôtre puisse supporter plus longtemps l'injustice de mon internement. « les cris d'Antonin Artaud qui hurle que guérir une maladie est un crime. Et puis ensuite, cette lettre où il parle de lui à la troisième personne, hein, c'est bien une lettre de lui lue par le comédien Vincent Schmitt, qui, alors, est la preuve flagrante, s'il en fallait, d'une forme de, peut-être, de déraison. Je n'ose pas employer le terme de folie, hein, mais il parle de consécration excrémentielle de l'orgasme invité par Satan. Et puis juste après, il s'adresse de manière très lucide à son psychiatre en disant, bah voilà, je pense qu'un honnête cœur comme le vôtre ne peut pas supporter longtemps l'injustice de mon internement. Donc cette ambiguïté, elle est là en permanence, non, Evelyne Grossman? Elle est là en permanence, en effet, encore que là il s'agisse de lettres de sa période mystique chrétienne où il avale sans arrêt des hosties. Et donc cette image de vous qui avez un bon cœur, vous allez m'aider à... On va l'un et l'autre lutter contre le mal. Mais en effet, il y a toujours chez lui à la fois, quand il s'adresse au docteur Ferdière, à la fois il appelle mon ami... dans des lettres ultérieures. Et puis à d'autres moments, il le traite quasiment de tortionnaire. Là, il prend un ton étonnamment doucereux pour s'adresser à Ferdière. Et puis on voit bien que, j'allais dire, le naturel reprend. Et il y a cette histoire d'orgasme excrémentiel dont vous parlez. Et on voit bien qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre. Le ton doucereux ne tient pas très longtemps. Il a toujours eu une grande ambivalence vis-à-vis de Ferdière, à la fois quelqu'un dont il reconnaissait que quand même il l'avait sorti de l'asile, c'est grâce à Ferdière tout de même qu'il est revenu libre à Paris en 46. Mais aussi c'est lui, Ferdière, qui lui a infligé ces électrochocs qui ont été une poursuite de la torture qu'il avait connue avant. Une torture, une souffrance physique et psychique, l'idée à nouveau de retrouver le néant. Il y a des textes d'Artaud absolument extraordinaires quand il parle de ce qu'il ressent sous l'électrochoc, où vraiment il meurt. Il dit « Je suis mort à Rodez sous un électrochoc, je suis ressuscité ensuite ». Il y a là une traversée de la mort et du néant qui est épouvantable et dont ces textes portent la trace. Donc il y a ça dont il accuse Ferdière, mais aussi une reconnaissance. Non, on ne peut pas dire qu'il ait jamais été reconnaissant à Ferdière, mais quand même à d'autres moments où il a avec lui des relations assez chaleureuses. La lettre est signée Antonin Naplas. Oui, Naplas, c'est le nom de jeune fille de sa mère. C'est l'époque où Artaud a oublié son nom, a renoncé à son nom, et où il joue sur les termes en disant « Janapa à papa, mama ». C'est-à-dire, c'est une façon de se débarrasser de toute hérédité, de toute famille, de toute généalogie. Voilà, il ne veut pas rencontrer sa famille, sa mère n'existe plus. D'ailleurs, il me dit que c'est lui qui a mis au monde sa mère. Enfin, il y a toute une... réflexion de sa propre généalogie qui fait partie de cette conception de remise au monde par lui-même et dans l'écriture. Donc ça n'a rien à voir avec un père et une mère. Voilà. Et il va falloir très longtemps pour qu'il retrouve son nom d'Antonin Artaud. Mais alors il veut sans cesse renaître à lui-même et se donner à lui sa propre vie. Et en même temps, il ne cesse de pointer la mémoire du corps. Et vous le dites dans l'écriture, il y a une mémoire de ce qui s'est passé, la mémoire de l'électrochoc. Donc d'un côté, il y a un appel à une renaissance, et de l'autre, la volonté de presque d'archiver et d'excaver les douleurs que le corps a ressenties et qui sont encore présentes malgré les renaissances. Qui sont absolument présentes et qu'il revit sans arrêt, et qu'il a revécu sous électrochoc, et qu'il revit, dit-il, toutes les nuits quand des démons femelles viennent le persécuter. Donc il y a cette mémoire corporelle, si l'on veut, en effet, vous avez raison, d'une souffrance qui n'a jamais cessé, qui a pris des formes diverses, mais qui n'a jamais cessé, et qui est un ferment de son écriture, incontestablement. Un ferment dans la mesure où c'est l'énergie qui le fait écrire d'une certaine façon. C'est cette rage, cette colère... de la souffrance transformée, sans doute. Mais pas au sens d'une archive, je crois, davantage au sens de comment transfigurer cela. Parce que le corps qui est laissé décrire, c'est évidemment pas le corps souffrant humain. Le corps qu'Artaud veut refaire, c'est un corps surhumain, c'est un corps... Un corps infini, dit-il. Infini. Hein. Atomique. Voilà. Oui. Il emploie ces termes-là. Absolument. Non pas le corps anatomique, qui est justement celui qui est promis au tombeau, celui qui est né d'un père et d'une mère, celui qui le refuse, mais un corps atomique, un corps qui va littéralement exploser sur la page de dessin et d'écriture. C'est ça le corps qu'il veut refaire lorsqu'il renonce au corps théâtral tel qu'il a essayé dans les années 30 de le mettre en scène dans le théâtre de la cruauté. Le dernier corps d'Artaud, c'est ça, c'est le corps de dessin, d'écriture, c'est un corps, comme il dit, atomique, explosif, celui du volcan Popocatépetl mexicain qui revient à la fin. Donc vous voyez, c'est une archive mais transfigurée et qui, à la fin, ne ressemble plus du tout à ce qu'on appelle un corps humain. Mais la voix d'Artaud ressemble toujours à la voix d'Artaud, c'est lui qui aura le mot de la fin. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandez. La rue sexuelle s'anime le long des faces malvenues, les cafés pétillants de crimes, des racines, des avenues, des mains de sexe brûlent les poches et les ventres bons par-dessous, toutes les pensées s'entrechoquent et les têtes moins que les trous. La rue sexuelle s'anime le long des faces malvenues, les cafés pépillants de crimes, des racines, des avenues, des mains de sexe brûlent les poches et les ventres bons par-dessous. Toutes les pensées s'entrechoquent et les têtes moins que les trous. La rue sexuelle s'anime le long des faces malvenues, les cafés pépillants de crimes, des racines, des avenues, des mains de sexe brûlent les poches et les ventres bons par-dessous. Toutes les pensées s'entrechoquent et les têtes moins que les trous. Et les têtes moins que les trous. Merci beaucoup à vous, Evelyne Grossman, d'être venue nous parler d'Antonin Artaud aujourd'hui. Merci. On se quitte avec sa voix. Donc, et son poème La Rue, mis en chanson par Baby X. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur Antonin Artaud qu'on mettra en ligne, en lien, hein, sur le site des Chemins de la Philosophie. Et notamment, votre dernier livre s'appelle Éloge de l'hypersensible sur Antonin Artaud. Aux éditions. Ce qui n'est pas sur Antonin Artaud. Ah bon ? Du tout. Il n'est pas du tout question d'Antonin Artaud ? Non. Alors, j'ai dit n'importe quoi ? C'est pas grave. Non. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. L'actualité de ces derniers jours a vu ressurgir dans les journaux ou à la télévision le thème du complotisme. Par ce mot de complotisme, nous désignons le fait de s'emparer d'un événement politique, de refuser de lui attribuer les causes que l'opinion ordinaire lui attribue et de lui substituer des causes secrètes et diaboliques. L'événement n'a pas été causé par ce qu'on dit. Il a été causé par telle ou telle puissance obscure qui a des desseins mauvais et le dit événement sert secrètement les dits desseins. Une fois qu'on s'est mis à parler de causes secrètes, on en vient souvent à se demander à qui profite le crime. L'une des formes faciles du complotisme est en effet d'attribuer une mauvaise action, non à son auteur, mais à sa victime, laquelle victime a voulu cette action afin de se rendre sympathique. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on attribue les attentats du 11 septembre au gouvernement américain, ou quand des centaines de jeunes lycéens en France ont déclaré à leurs professeurs en 2015 que les attentats du Bataclan avaient été voulus par Israël. Dans l'actualité de ces derniers jours, le complotisme a eu l'insigne honneur d'apparaître de tous les côtés. Ainsi, on a vu des représentants des Gilets jaunes défendre à plusieurs reprises la thèse, bien connue d'Internet, selon laquelle le comique Coluche n'était pas mort d'un accident de moto, mais avait été assassiné. D'autres ont également manifesté leur croyance dans la théorie des chemtrails, qui veut que les traînées blanches que les avions laissent derrière eux dans le ciel soient en fait des produits chimiques délibérément répandus sur nous par des forces occultes. De l'autre côté du mouvement, des partisans d'Emmanuel Macron ont immédiatement vu, derrière ce mouvement qui regroupe des centaines de milliers de Français et bénéficie de la sympathie d'environ trois quarts de la population, la main des services secrets russes. Ces accusations, pour ceux qui ont un peu de mémoire, sont un élément récurrent de tout mouvement social. En 1968, les gaullistes, par exemple Michel Debré, voyaient derrière les agissements de Daniel Cohn-Bendit la main, tour à tour, de l'URSS, de la Chine, des États-Unis ou d'Israël. Dans son livre « Kiel et Tanger », Maurras accusait les services secrets anglais d'avoir déclenché l'affaire Dreyfus pour salir l'honneur de l'armée. C'est en 1797 que l'abbé Baruel, un prêtre jésuite, lançait la première théorie du complot de l'histoire moderne en écrivant que la Révolution française avait été initiée par l'action secrète des francs-maçons et notamment de la loge des Illuminés de Bavière. Emmanuel Todd, de son côté, a accusé le gouvernement d'avoir utilisé des agents provocateurs se livrer à la violence sur les Champs-Élysées pour salir le mouvement. Comprenons-nous bien. Ce n'est pas parce que nous critiquons le complotisme qu'il n'y a pas de complot dans l'histoire. Des différents complots que nous avons mentionnés, il se pourrait très bien que certains soient avérés dans les années ou décennies qui viennent. Mais la mentalité complotiste n'attend pas la confirmation. Elle se meut dans le domaine de ce que le célèbre épistémologue Karl Popper appelait l'infalsifiable. Aucun fait ne pourra faire renoncer le complotiste à sa thèse. Si Ben Laden revendique les attentats du 11 septembre et déclare qu'il en est le seul commanditaire, cela ne prouve pas autant que les États-Unis n'ont pas organisé cet attentat. Cela prouve simplement qu'ils ont bien dissimulé leurs responsabilités. S'agissant de ce qui ne peut ni être prouvé ni être infirmé, tout est une preuve. Les causes étant cachées, c'est-à-dire visibles nulle part, elles sont secrètement présentes partout. Les philosophes sont particulièrement embarrassés par le discours complotiste, car il ressemble de très près à la démarche philosophique, comme une mauvaise imitation ou une caricature. En effet, remettre en cause les vérités établies, douter, ne pas se fier à l'opinion, n'est-ce pas l'essence même de la démarche philosophique ? Platon ne nous a-t-il pas appris à nous méfier de la doxa et Descartes à exercer un doute méthodique ? N'est-ce pas le propre de la démarche philosophique de vouloir trouver une cohérence rationnelle, aussi appelée système, à tout ce qui se produit dans le monde ? Descartes lui-même semble avoir prévu ce risque, avec l'hypothèse du malin génie, hypothèse paranoïaque et complotiste, dirions-nous aujourd'hui, à laquelle il est tenté d'adhérer avant d'avoir trouvé le sol ferme du cogito. Peut-être que la philosophie, c'est-à-dire la démarche d'examen rationnel du monde, a-t-elle pour but de nous apprendre que tout sur Terre n'a pas forcément de raison, de cause secrète et cachée, qu'il y a des choses qui se produisent, qui surgissent du hasard, de l'aléa, du chaos, et que cette absence de raison est peut-être plus dure à supporter que l'explication intégrale du monde. Ou pour le dire avec les mots de Chesterton, le fou n'est pas l'homme qui a perdu la raison, le fou est celui qui a tout perdu, excepté sa raison. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Sharon Houry, Colomba Grossi, Isis Jourda, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie. C'est Thomas Beau qui réalise cette semaine avec aujourd'hui à la prise de son Bruno Gagnère-Fontani et Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur la psychiatrie. Demain, nous parlerons de Binswanger ou comment Heidegger serait devenu psychiatre. Ce sera en compagnie de Camille Abétan. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter cette émission et chaque émission en ligne, ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, et la garder pour la réécouter aussi longtemps que vous le voulez. Rendez-vous également sur les réseaux, notre page Facebook, notre compte Twitter et le compte Instagram où vous pouvez laisser vos commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. Nous, en tout cas, on sera là. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.